Dis-moi où je m'en irai passer cet hiver, si je reste ainsi dans la misère. Peut-être de mon côté, de manière isolée. Je regarde le calendrier, ces jours peuvent se barrer, un après un, pour penser à demain. Un peu loin de toi, à perpétuité, si bien comme ça, je peux respirer. L'amour doit être rouge vif quand il n'est pas vraiment rose, et sans poisson rouge.